Oui, et dès qu'il sera mort, tu prendras son sceptre et sa couronne. Et je courrai avec mes hommes à la poursuite de la famille royale. Oui. Et alors, je te recommande spécialement, hein, le jeune Bougrelat. Ah, messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable. Il faut jurer de nous escrimer vaillamment. Et comment faire? Nous n'avons pas de prêtre. Oh ben, la mère Ubu va en tenir lieu. Eh bien, soit! Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi? Oui, nous le jurons! Vive le perdu! Thank you.